Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Marie-Claude Dion au microphone pour plonger dans un sujet qui généralement fait ouvrir tout grande les oreilles. On parle de sexualité, mais plus exactement, on va s'intéresser aux relations amoureuses, relations sexuelles des personnes qui vivent ou non ensemble. Et on va voir justement qu'il y a une certaine diversité. Hein. C'est pas si simple que ça non plus. C'est ce que va nous raconter la sexologue Julie Rouleau. Bonjour Julie. Bonjour Marie-Claude. Alors Julie, tu as choisi de nous parler de l'évolution des normes amoureuses. Alors peux-tu nous en parler un peu plus? Bien sûr. Donc si encore aujourd'hui un certain idéal du couple et de la famille existe, il est maintenant tout à fait possible de discuter de relations sexuelles en dehors du couple dans un souper entre amis ou dans une conversation parallèle dans un souper de Noël. Donc l'essoufflement de la norme monogamique hétérosexuelle a donné lieu à de nouvelles normes amoureuses. On les a nommées tout à l'heure un polyamour, relations non conjugales, nouvelles technologies de communication. On va faire un bref tour d'horizon de l'évolution des normes amoureuses qui pourra sans doute vous être utile lors de vos parties des fêtes là, qui approchent. Qui approchent. Et si je ne m'abuse, ce sont des chercheurs montréalais qui ont fait l'inventaire des différents comportements amoureux contemporains. Effectivement, Marie-Claude. En fait, lancé par des chercheurs de l'UQAM en collaboration avec des collègues de l'Université Laval et de l'Université de Windsor en Ontario, l'enquête se nomme EPRI, donc Études des parcours relationnels intimes et sexuels, et vise à mieux comprendre les trajectoires amoureuses de nos contemporains, leur comportement et leur motivation. Donc, il faut dire qu'il n'existait pas au Canada auparavant de grandes enquêtes sur la sexualité comme on en trouve en France ou aux États-Unis. Est-ce que ça s'explique? Il y a une plus grande ouverture? On est rendu là, j'imagine. On a quand même nos racines très traditionnelles là, qui évitaient peut-être de s'intéresser aux gens hors normes. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc, l'étude en question nous présente 6 modèles non conjugaux. Donc, ça a été mené par Internet. L'étude a permis de constituer, entre autres, un échantillon composé de plus de 1000 répondants et répondantes âgés entre 18 et 30 ans, sexuellement actifs et qui n'étaient pas en couple. Donc, c'est très important. Les questions qui leur étaient posées portaient sur la dernière relation vécue avec un ou une partenaire sexuelle. Donc, 6 configurations amoureuses non conjugales caractérisées par le type de partenaire impliqué ont émergé. Donc, je vais vous parler très brièvement des mesures utilisées pour distinguer les catégories de l'intime. Donc, ce sont le contexte relationnel. On voulait savoir ici si le partenaire était un ami avec bénéfice, entre parenthèses, une connaissance ou carrément un inconnu. On voulait connaître la fréquence des relations sexuelles et des activités sociales vécues avec la personne et l'objectif des rencontres. Est-ce que les rencontres visaient surtout le sexe, pas seulement ou pas vraiment? Et on voulait savoir s'il y avait des ententes d'exclusivité, oui, non, implicites ou explicites, et l'ampleur du dévoilement de soi lors des rencontres. Alors, quelles sont les 6 configurations amoureuses qu'on retrouve? Bon, tout d'abord, puis j'aime bien toujours faire les guillemets, on a nos traditionnels amis avec bénéfices là, dont on a déjà parlé, qui se voient surtout sur une base amicale et ont parfois des relations sexuelles. Pour leur part, la catégorie amis de base se sont rencontrés dans un bar par des amis et s'appellent seulement quand ils ont envie d'avoir une relation sexuelle. Donc, par les réseaux sociaux aussi, là, Tinder par exemple. C'est ça qu'on appelle un « fuck friend » Ah oui, okay. Oui, c'est une façon un petit peu plus francophone de le dire, mais oui, François, là, tu peux le considérer comme ça. « Fuck friend » Exact. Donc, ensuite, sous un angle plus traditionnel, les partenaires ayant un projet de couple font preuve d'un grand dévoilement de soi, en plus d'avoir une entente d'exclusivité sexuelle, souvent implicite et beaucoup de relations sexuelles. Donc, les amis avec bénéfices se voient surtout sur une base amicale et ont parfois des relations sexuelles, alors que les fuck friends, François, se sont rencontrés dans un bar, sur les réseaux sociaux, par des amis et communiquent seulement quand ils ont envie d'avoir une relation sexuelle, donc nuance. Et puis, certaines de ces configurations ne sont pas nées de la révolution sexuelle. Les célibataires ont toujours eu des relations sexuelles, mais du point de vue de la recherche, toutes les relations intimes vécues hors du modèle conjugal étaient auparavant regroupées sous des étiquettes comme sexe hors mariage, promiscuité sexuelle, ce qui représentait pas évidemment une bonne partie de la population qui vivait pas selon les normes hétérosexuelles traditionnelles. Oui, c'était pas accepté socialement. Il n'existait tout simplement pas. Donc, reprenons, on en était à la 4e catégorie, donc les ex-partenaires romantiques qui ne vivent plus ensemble mais continuent d'avoir une entente d'exclusivité sexuelle, souvent explicite, et apparaissent comme un modèle émergent. Ces ex se dévoilent beaucoup, partagent un grand nombre d'activités sociales et de relations sexuelles. Donc, 20 % des célibataires de l'échantillon de l'équipe et prix fréquentaient leur ex, assez pour constituer une catégorie à part. C'est intéressant. Une autre catégorie, donc, nos partenaires romantiques sans engagement. Ils vivent beaucoup de choses ensemble, y compris sexuellement, sans avoir un projet de couple. De l'extérieur, ils peuvent paraître en couple, même si eux ne se considèrent pas ainsi. Donc, la frontière entre les couples et le célibat est parfois floue, nous démontre la recherche là, de l'équipe de EPRI. Est-ce que c'est ça, Julie, qu'on considère comme la fluidité des relations amoureuses? Bien, effectivement, la fluidité, donc, dans les formes de la relation dont on vient de discuter, apparaît aussi dans le choix des partenaires sexuels. Aujourd'hui, passer d'une relation hétérosexuelle à une relation homosexuelle n'a rien d'insolite. Mm-hmm. Donc, certains jeunes refusent carrément de s'identifier à une orientation sexuelle ou à un genre. Entre 14 et 18 ans, un jeune sur six ne se déclare pas exclusivement hétérosexuel. C'est quand même beaucoup. Oui, en fait. Et puis, 10 % de la population est homosexuelle. Donc, on peut... C'est ici qu'on voit une fluidité. Donc, ils ne se considèrent pas exclusivement hétérosexuels. Donc, soit qu'ils ont des relations ou des attirances qui ne le sont pas, soit simplement qu'ils décident de ne pas s'identifier comme tel. On observe donc une révision profonde des normes qui étaient dominantes et acceptées voilà encore seulement 20 ans. Encore récemment, on considérait que les gens qui expérimentaient autre chose qu'une relation de couple avaient peur de l'engagement, donc mm-hmm. nous soulignaient les chercheurs. Son hypothèse était que l'engagement total n'est plus le modèle unique maintenant. Donc, on assiste, selon son expertise, à une diversification des formes d'engagement, lesquelles répondent à des besoins différents. En parlant de besoins différents, j'introduis maintenant notre sixième catégorie répertoriée, le polyamour. Donc, cette forme d'union, dont on entend parfois vaguement parler, se propose comme un arrangement entre plus de deux partenaires basé sur la transparence et la remise en question de la norme monogamique. Donc, selon l'étude, les polyamoureux peuvent former des unions en forme de triade, donc chaque personne se considère en couple avec les deux autres, ou encore en forme de V, une personne est en couple avec les deux autres. Ils peuvent avoir des relations exclusives à la relation polyamoureuse ou non, et regrouper des partenaires exclusivement masculins, féminins ou mixtes, et peuvent aussi être plus que trois, et même former un réseau. Il me semble que ce terme-là doit être assez controversé parce que c'est différent. Et effectivement, certains sexologues ont critiqué le polyamour, disant qu'il s'agissait que d'un autre mot pour infidélité. Donc, pour certains, dans le mariage, l'infidélité était la seule solution à la frustration sexuelle. Le polyamour remet donc totalement en question le rapport entre amour et adultère. Il y a aussi certainement des partenaires malheureux dans les unions polyamoureuses, évidemment, mais on en trouve aussi dans les couples dyadiques. Donc, la différence, c'est qu'il existe chez les polyamoureux une conversation constante sur les frontières de la relation. Et on suppose que les polyamoureux sont au courant de la relation versus l'infidélité où il y a quelqu'un qui est dans le néant de ce qui se passe. Effectivement, les chercheurs indiquent clairement la transparence donc dans la définition du polyamour. C'est tout de même intéressant et inspirant pour nous tous. Pour certaines personnes, exactement. Est-ce que l'apport des nouvelles technologies de l'information et des communications ont contribué à l'évolution de ces normes-là? Effectivement, la colonisation technologique de l'espace intime redéfinit complètement le fait d'être ensemble, souligne Chiara Piazzetti, sociologue et cofondatrice du tout nouveau groupe d'études sur la sexualité et les transformations des technologies des environnements sociaux. Ce groupe a pour but d'étudier tous les aspects des relations amoureuses, incluant l'influence des nouvelles technologies de communication. Un des aspects fondamentaux de l'amour romantique, c'est d'être entièrement présent pour l'autre. Donc, avec un objet connecté en permanence, comme un téléphone intelligent sur les lots de la cuisine, l'autre est toujours ou peut toujours être un peu ailleurs. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux peuvent faciliter la communication entre les partenaires amoureux, particulièrement tout juste à l'aube de l'engagement. Ainsi, de nouvelles applications comme Tinder, Grindr, les autres, multiplient les façons de manifester son intérêt à de purs inconnus. Cependant, ces outils peuvent aussi être perçus comme une menace à la stabilité du couple. L'amour est-il en crise, Marie-Claude? La question se pose. À la transformation complète des valeurs, des configurations du couple, notre amie, la professeure Piazzetti, ne le croit pas. Elle dit qu'il n'y a jamais eu un âge d'or du bonheur conjugal. Donc, ça porte à réflexion, ne trouvez-vous pas, François? Oui. Donc, je vous laisse, Marie-Claude et François, avec le mot de la fin du chercheur Martin Blais, qui, pour pourra vous inspirer lors de conversations avec votre famille dans le temps des fêtes. J'écoute. Il y a des gains à vivre dans un monde qui permet plus de choix. Donc, à dire, lorsqu'une nièce est prise avec un oncle qui lui demande si elle a un petit chum. Donc, il y a des gains à vivre dans un monde qui permet plus de choix. Joyeuses fêtes à vous! Merci beaucoup, Julie. Merci, en fait, d'avoir satisfait notre curiosité sur les choses de la sexualité et les relations de couple et de non-couple. Et Futur Simple va se poursuivre avec des curiosités d'un autre registre, des curiosités du monde animal, avec le biologiste Cyril Barrette. Est-ce que le Père Noël a une sexualité? Ma fille est à l'écoute. Je ne réponds pas.